Alchimiste. Je ne veux pas chercher à transpercer leurs cris, mais rester à l'écoute du silence tendu, pour employer les mots et fusionner le monde, pour qu'il reste inégal.